Je dois donner un exemple. Dernièrement, il y a le ministère donc, de l'éducation, j'aime bien parler de l'éducation, et de la formation professionnelle ici à Berlin, qui a organisé une conférence par rapport justement à la situation des étrangers. Qu'est-ce qui se passe donc après le secondaire? Donc, j'étais là pour 5 heures pendant la conférence. Tous les exemples qu'on donnait, c'était des exemples par rapport aux Turcs, par rapport aux Italiens, par rapport aux Espagnols. Il n'y a pas eu une seule phrase par rapport à la situation des Africains. Donc, à chaque fois qu'on présentait les résultats donc une étude qui avait été faite, je leur demandais à chaque fois, qu'est-ce qu'il en est des Africains? Et ils me disaient, ah non, on n'a pas fait d'études par rapport aux Africains. Après la quatrième étude qu'ils ont présentée, c'était aussi une journaliste qui faisait la modération, elle a dit, Madame Nancha, je ne vous donne plus la parole, moi je pose la question, est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux Africains? Et ils ont dit non. Afrique Média, le monde, c'est nous.